Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La chronique linguistique de Jasmine Raymond-Dréville. On reçoit Anne-Julie Durocher qui nous parle de l'AGE. On parle d'affaires geek dans Scénix, puis il y a sûrement plein d'autres affaires, peut-être des faits ou... comme ça. Ah, assemblage requis maintenant! Bon matin, bienvenue à Assemblage requis. En ce mercredi 1er février 2012, oui, le mois de février débute et on l'a vu par les conditions routières et la conduite des gens sur la route. Ouais, ça va pas vite. D'où notre départ tardif. Ouais, exactement. 7h09. Donc aujourd'hui, l'émission, on va avoir Jasmine Raymond-Dréville qui vient nous faire sa chronique linguistique. On parle de participe passé aujourd'hui. OK. Oui. On va accorder tout ça. À peu près, à peu près. Oui. Espérons-le. Il y aura un examen à la fin de sa chronique. Yeah. Yeah. À 8h, on aura Anne-Julie Durocher et sa chronique sur la GEQTR, donc les activités qui s'en viennent. Il y a les élections aussi qui s'en viennent, plein de choses. Donc, on va parler de tout ça avec elle. Là. Tout à fait. L'Assemblée générale aussi. L'Assemblée générale. Spéciale de la GE. Merveilleux. C'est à 8h. Et puis, entre ça, il y aura la chronique Geek CNX. Et puis, la chronique, c'est un film. On débute, pourquoi pas, vu que je viens de voir Jasmine arriver de Rette, là. Ça m'a dit, waouh, il faut jouer du mauve encore! Parce que c'est bon! Voici Madeleine au 89 FM. C'est fou, bonne émission. Madeleine, tu fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. Fais des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. Vas-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Les étoiles dans tes yeux, les étoiles dans tes yeux.

Tunes et la pièce Backlash. Hein. Là, je t'ai fait mal aujourd'hui, François, je pense. Elle était très longue. Oui, mais hier, elle était très courte. Et l'autre jour, l'avant, était très, très courte, mais très intense. Des fois, c'est plus relax. Des fois, c'est... Puis passe du Black Eyed Peas aux autres postes, là, le matin, à 6h30. Hein? Hein? Ah! Oh, je trouve hein? quasiment ça moins pire. De ces chansons-là, moi, là, je suis pas capable. Ah, bon. Toi, c'est ça. Moi, c'est... Ouais, toi, moi, c'est ça. Je... Bon, je vais faire attention. Et on vient après la pause avec la chronique linguistique de Jasmine Raymond-Réville. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sud des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Huileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc foulard. Encore, encore, encore. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudis-moi malfaisant. Je t'aime. De temps en temps. Février la débine, février contre Diderot, février Valentine, faut qu'on se garde au chaud, février dans le noir. Février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu saoul, février dans le bouchon ou dans le clos d'un canton, février dépression, février toucher le fond. Du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudis-moi malfaisant, je t'aime, mais pas tout le temps. Février, c'est la fête. Février des heures bêtes, février débarrasse, mets donc ça sa glace. Dis-moi, dis-moi qui en finit pas, je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime. Mais plus maintenant. Février avec Vincent Vallière. Vincent Vallière, d'ailleurs, qui était en spectacle hier au Grand Brinus. Hein, ça a dû être sale comble. Et Dieu sait que c'est facile de faire sale comble. C'est au sûr Grand que Brinus. C'était sale comble parce que c'était genre sold out. Ah oui, genre. Il s'est fermé en octobre. Depuis le mois de bon, décembre. Genre. C'est toujours. Ah comme non, ça, non, avant ça. Avant ça? Avant ça. Mais parce qu'il est venu en décembre. Ouais. Puis, ouais, sûrement que ceux qui étaient fâchés pour avoir des billets pour décembre ont dû en acheter. Ça va vite. Mais un bon spectacle, ben j'imagine en fait, parce que la salle est quand même cool et tu sais l'ambiance que Vincent Vallière peut procurer. J'ai déjà vu au Grand Brinus, c'est bien cool. Je l'avais vu au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Je l'ai vu aussi au tu sais là, comment ça s'appelle la salle qui a fermé à Montréal là le couple d'années. C'est pas le Forum. C'est pas le Spectrum. Le Spectrum est encore ouvert, je sais même plus. Le Forum? En tout cas, on va salle, souvent voir des spectacles à Montréal. C'était sur Saint-Denis. Non, je suis allé voir au Spectrum. C'est plate, votre affaire. Toi, bon, t'es plate. Hey, merci. Non, désolé. Bravo Vincent Vallière, beau travail. Et puis février, c'est la pièce qu'on a entendue. On va parler maintenant de linguistique, de participes passés. On accueille Jasmine Raymond-Drainville. Voici sa chronique linguistique. Petite musique. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine a parlé de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. Ouais, je pense que Jasmine regrette depuis qu'on l'a fait. Hein. Non, elle est malade. Anne-Julie, elle tripe, là. Mais génial! Elle a l'air à triper. Ouais. Anne-Julie, du rocher de la Calique d'Angéa. Elle est d'Angéa. Elle arrivée, et puis elle peut parler, elle aussi. Ça va? Ben oui, ça va. Je suis jalouse de Jasmine. Elle a pas amené ses instruments aujourd'hui pour la sienne, là. Parce que je n'ai fait pas un quiz. Non, mais t'aurais pu les amener quand même. Anne-Julie, elle a besoin d'une chanson, là. Garde-la! Elle est toute triste. La semaine prochaine. J'espère. Je compte sur toi. On avait dit cette semaine. Oui, je sais. C'est pas fiable. Parce que. Mais oui, mais. Dans l'autobus. S'il vous plaît. Il n'y avait personne pour te voir dans l'autobus ce matin. J'étais à 6h15, c'est bien tranquille. Bon, okay. Donc, un peu de sérieux. Commençons à parler des participes passés, Jasmine. C'est ton sujet de cette semaine. Oui. Donc, à ma première chronique de la session, vous m'aviez demandé de quoi j'allais parler dans les, non, dans les prochaines semaines. Puis, en tout cas, vous m'aviez... J'avais dit que j'allais peut-être parler du E accent aigu, E-R-E-Z, là, qui semble vraiment très... Vendu, compliqué. Vendre et vendu. Ben, c'est ça. Bref. Fait que, on peut le comprendre en, t'sais, justement, en mettant le verbe, tu sais, soit vendre, soit vendu, soit mort. Bon, ben oui, moi, je préfère vendre. Bon. Ça, donc, ça m'amène à parler des participes passés. Yeah! Wouhou! Donc, ça, c'est dur à comprendre un peu par moi-même. Vous pouvez faire des faces de dégoût, là. Ouais. Tu les attends? En fait, pas François-Louis et moi. C'est déjà commencé. Ouais. Bon. Parfait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça, c'est presque un fléau. Il y en a qui savent même pas c'est quoi. Il y a personne. Ouais. Ben là, non, c'est rare, là, je pense. Salut. C'est la partie passée. Ben non, ouais, j'ai de la misère. Sérieusement, là, je vais être franc avec toi, mais tu sais, je suis capable d'écrire, tu sais, je fais pas nécessairement de fautes, mais je peux pas dire, tu sais, sérieux, j'ai de la misère avec mon français, j'ai de la misère à dire c'est quoi un adverbe. Là. Non, mais. Non, mais c'est correct. Non, mais excuse, c'était pas. Non, salut. Bon. C'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer trois types de. Je m'appelle François-Olivier et je suis un alcoolique. Non, attends, je suis un. Un analphabète. Alphabète. Ouais. Non, mais j'écris bien quand même. Je fais pas de faute. Ben, j'en fais. Non, mais c'est correct. Ouais. On va arrêter de te regarder. C'est pas ça. OK. Continuons. Donc, je vais vous parler de trois types de participes passés. Ceux qui sont employés avec l'auxiliaire avoir. Oui. Ceux qui sont employés avec l'auxiliaire être, qui sont les plus simples à accorder. J'aime bien ceux, là. J'aime bien. C'est facile. Et les participes passés pronominaux. T'as le participe action aussi, je pense. Ça, que Mathieu. Mathieu fait jamais. C'est pas un slogan, ça? C'est un slogan. Ouais, OK. Un slogan de quoi? Pas important. L'activité physique. Bon. Soyez actifs, ouais. C'est ça, parfait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste m'assurer que tout le monde comprend ce que sont un complément direct et un complément indirect. OK. Est-ce qu'on a une petite idée, quelqu'un? Je vais aller aux toilettes. C'est pas s'il y en a un avant ou après, ou il n'y a pas un mot entre les deux. Ouais, ça. Pouette, pouette, pouette. Mathieu? Non, merci, ça va aller. Non, ça va aller. OK, bon. Si je vous dis, par exemple, bon, en fait, les deux dépendent du verbe, évidemment, parce que c'est complément direct du verbe ou complément indirect du verbe. Non, on veut des exemples concrets. C'est ça que je m'en allais faire. Bon, donc si je vous dis, j'ai mangé une pomme. Ça, j'ai mangé direct. Quoi? Une pomme. C'est direct parce qu'il n'est pas introduit par une préposition. Ça, c'est... Une préposition à 2% avec tout ça, ce sont des prépositions. Si je vous dis « j'ai parlé à Anne-Julie », »,« j'ai parlé à qui ?» ça, à Anne-Julie, introduit par une préposition, donc complément indirect. C'est comme la... Faut savoir ça pour pouvoir comprendre comment bien accorder nos participes passés. Ça va jusqu'à maintenant. Oui, mais je pensais que dans le nouvel enseignement du français, on ne demandait plus à qui à quoi. Oh non, c'est ça, on a plus le droit, sauf que là, j'essaie de ne pas trop mêler tout le monde parce qu'il est 7h30. Là. Maintenant, on doit dire, j'ai mangé une pomme. J'ai mangé quelque chose, une pomme. Hein? Ça revient au même parce que, selon moi, on quelque revient... chose? Faut que tu dises deux fois? Mais non, mais au lieu de dire, mettons, quoi, faut que tu dises quelque chose. Au lieu de dire à qui, faut que tu dises à quelqu'un. Mais moi, je trouve ça comme mêlant un peu. C'est juste la formule qui a changé de question. Okay. Mais tu sais, à quelqu'un, ça serait indirect, tandis que quelqu'un, ça serait direct, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein? Ben, c'est complètement niaiseux. C'est niaiseux parce que, selon moi, parce qu'on revient à se demander à qui ou à quoi. Bref. Changer meuble de place. Hein, c'est ça. Pour rien, ouais. Selon moi. Peut-être que je vais finir par changer d'idée, mais pour l'instant, je trouve ça un peu niaiseux. Bon. Bon. OK. On est prêt. Oui. Go. Allons-y. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai amené mon carnet puis ma couverture. C'est ça? Ouais. C'est ça. Bon. C'est une chanson qu'on joue assez fou, là, c'est pas. Bon. Vas-y. OK, avec l'auxiliaire avoir. Oui. On va commencer avec être. si vous voulez. C'est moins compliqué. Ah, c'est plus facile. On va se réveiller tranquillement. On l'élimine. Vas-y, François est déjà découragé. Bon, il y a juste une règle, c'est tout le temps de même. Okay. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Mm-hmm. Avec le sujet, peu importe sa position dans la phrase. OK, bon. Donc, le pluriel, le féminin, tout pogne là-dedans. Okay. Tout pogne là-dedans. Tout pogne. Être, ça s'accorde automatiquement n'importe partout où ce qui est. Oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Pas besoin de penser, c'est ça qui est le fun. Okay. Pas besoin de penser. OK, ouais. Si je vous dis, mon père et ma mère sont allés au cinéma, aller... S. Va être S. S parce que c'est mon père et ma mère qui le sujet, puis c'est sont allés, auxiliaire, être. Mais là, tu le conjugues pas au cinéma, ça. Non. Sont allés au cinéma, pas le S. Oui, non, c'est ça, c'est un petit raisonnement que... Ça, c'était direct, en plus. Ils sont allés où, au cinéma? Non? Allumez-le! Oh. qui est allé? C'est ils. Ils c'est, sont allés. Ouais, ils sont allés. Qui? Où? Au cinéma. Oui, mais ça t'aide pas en fait, non, mais en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas de complément direct. Je voudrais bien, mais il n'y en a pas. Ah, fait, bon. Tu dis, sont allés, auxiliaires. C'est simple de même, t'as même pas réfléchi plus que ça. Réfléchis pas, c'est ça. C'est comme ton cerveau. Parce que tantôt, tu me parlais que c'était la base. Fait que là, je me dis c'est plus pour l'auxiliaire avoir, je dirais, qu'il faut savoir, puis pour les pronominaux. Okay, donc le être est facile de même, t'es pas obligé de rien connaître, puis tu peux l'accorder comme du monde. Good. OK, avoir. Avoir, là, c'est dur. Bon, pas tant que ça. Plus dur. Pas tant que ça. La base est facile, mais il y a des petites exceptions dedans. C'est ça. Bon, les participes passés s'accordent en genre et en nombre, avec le complément direct. Si le complément direct est placé avant le verbe. Si, oui. Okay. Moi, c'est ça que je trouve ça... C'est ça, là. Mais je vais donner des exemples, on va mieux ça comprendre. Me OK. J'ai mangé des bleuets. J'ai mangé... Complément direct. Et? Complément direct, c'est quoi, premièrement? J'ai mangé des bleuets. J'ai mangé quoi? Des bleuets? Des bleuets. Puis il est après. Il est après. Est-ce qu'on l'accorde? Non. On l'accorde pas. Facile de la même. Okay. M-A-N-G-E. Mais si tu dis des bleuets, j'ai mangé... Ça va être dans mes exceptions plus tard. Attends, minute, laissez-moi. Ben, une exception. On va y aller en ordre. Excuse-moi. On y va en ordre. Si je vous dis, ces bleuets, je les ai mangés. Ouais. Complément direct, ça va être les qui remplace des bleuets. Je les ai mangés. J'ai mangé quoi? Les bleuets. Les qui remplace bleuets. C'est un pronom personnel qui reprend le mot bleuet. Facile. Est-ce qu'on comprend? Est-ce? Oui. Angelis, qu'est-ce qu'on prend pour tout vrai? Va bien. Oui, OK, parfait. Je connais quand même les règles, là. C'est juste l'application qui est plus douteuse. S? Moi, c'est le contraire, en fait. Oui, c'est ça. S, étant donné que je les ai mangés, le lait, qui est le complément direct, est placé avant le participe passé mangé, on va l'accorder avec lait, qui remplace bleuet. OK. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Mais mon exemple qui était des bleuets, j'ai mangé, mais ça, c'est le lait qui va remplacer. Oui, mais c'était mon prochain exemple. Parfait, merveilleux. C'est ça. OK. Si je vous dis la phrase des bleuets, j'en ai mangé, j'ai une petite exception qui vient avec cette phrase-là. OK. Bon. Quand le complément direct est en, E-N, comme dans j'en ai mangé, le participe passé est invariable. Donc, on prend la phrase. Des bleuets, j'en ai mangé. Et? Mettons qu'on prend juste j'en ai mangé, le complément direct est en, j'ai mangé quoi en mis pour bleuet? J'ai mangé quoi? Est-ce qu'on me suit? Parfait. C'est difficile quand même de dire ça à la radio étant donné que les gens n'ont pas les phrases devant les yeux. Donc, c'est ça. J'en ai mangé, complément direct, en. Même s'il est placé avant le participe passé, étant donné que c'est en, il reste invariable. C'est ça. Super. Quand c'est avec en, c'est invariable. C'est ça. Quand ton complément direct il est en, il est invariable, même s'il est placé avant. C'est juste avec en? Oui. C'est avec un. Mais j'ai d'autres exceptions, mais dans ce genre-là, c'est avec un. Okay. C'est juste avec les bleuets. Oui, c'est juste avec les bleuets. Les bleuets, on n'accorde pas ça. OK. Bon. Ensuite, un petit peu plus... Non, c'est pas tant plus compliqué. Quand des verbes comme courir, coûter, durer, mesurer, peser, valoir, qui sont construits avec un complément qui exprime la durée, la mesure, le coût, je vais donner un exemple après, le participe passé est invariable. Okay. OK. Je vais vous donner des exemples. On cherchait vraiment des exceptions à mettre n'importe où. Fait qu'on a inventé. C'est quand même, avec les phrases, vous allez comprendre. Ouais. Parce qu'il y a certains mots dans ces situations-là qui peuvent vouloir dire deux choses. Donc, les 10 années qu'a vécu mon chat, vécu, on comprend que c'est en termes de durée. Là. Ouais. Il a vécu 10 ans. Même si les 10 années est placé avant vécu, il reste invariable étant donné qu'il exprime la durée. OK. Je vais vous donner une autre phrase. Où est-ce qu'on l'accorde? C'est étant donné que la phrase est trop triste. Non, on n'accorde pas, on pleure trop, on voit plus notre feuille. C'est ça. OK. Les épreuves que j'ai vécues, je prends le même verbe qui est vivre, le vécu. Là, ici, il exprime pas la durée. Il exprime plutôt j'ai enduré, j'ai surmonté des épreuves. Là, il va s'accorder parce qu'il exprime pas la durée. Puis mettons, là, si je dis elle a vécu, vécu, hein? Mettons, je dis cette chronique a vécu trois semaines avant d'être retirée de la mission. Mais non. C'est une blague. C'est une blague. Ben non, en fait, on l'accorde pas. OK. C'est la... Non, c'est ça. Non, mais elle a vécu, non? C'est U? Ça dépend. C'est quoi ta phrase? Elle a vécu. C'est une phrase? Ben, il n'y a pas de complément direct, fait que... Non? Elle a vécu. Pas de complément direct? Pas de couette, pas de complément direct, tu l'accordes pas? Non? Parce qu'il s'accorde avec le complément direct. Si t'en as pas, tu l'accordes pas. OK. C'est ça. Mais qui évidemment, a vécu, c'est... elle, non? OK. Mettons, si on prend... Non, mais c'est correct. Non, mais si on prend la règle... Ouais. Quand c'est l'auxiliaire à voir, comme dans elle a vécu... Elle a vécu, auxiliaire à voir. Ouais. Il s'accorde avec le complément direct qui est placé avant le verbe. C'est ça, elle, non? Elle, c'est le sujet. Okay. C'est elle qui a vécu. Qui est-ce qui a vécu? Elle, sujet. Elle a vécu rien, finalement, là. Okay. Fait qu'il n'y a pas de complément direct. Fait qu'on l'accorde pas. OK. Faut que tu retiennes qu'il s'accorde avec le complément direct. OK, d'accord. Est-ce qu'on me suit quand même un peu? Oui, quand même. On me suit quand même? Parfait. Toujours vous référer à une grammaire, hein, ça peut être pratique. Antidote, c'est bien fait aussi. C'est bien fait. Des fois, réfléchir, ça peut être le fun aussi. Ouais, des fois. Des fois. Ben c'est bien parce que ça te corrige et ça t'explique pourquoi. Ça. Mais est-ce que tu regardes l'explication? C'est non. Ma question. Faut le faire, c'est la. Non, c'est les étudiants sont trop pressés et ne veulent pas comprendre. C'est sûr, quand tu fais ton travail. Le jour avant. C'est sûr. C'est ça. L'explication passe un petit peu. T'as vécu? Okay, j'ai une dernière. OK, hey, j'ai une dernière exception. OK, OK. C'est la dernière. OK. Après ça, il n'y en a plus d'autres. Parle pas de chômage. J'ai le pronominal, mais il n'est pas compliqué. OK. Bon. Non, je ne parlerai pas de chômage parce que je vais pleurer. Ben oui. OK. Lorsque le participe passé avec avoir est suivi d'un verbe à l'infinitif. Je vais vous donner un exemple. Il reçoit le genre et le nombre du pronom complément si celui-ci est complément du verbe au temps composé. Je vous réexplique ça. Okay. Oui, s'il te plaît. Si le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, comme dans la phrase « Audrey était parmi les élèves que j'ai vus entrer. » Le participe passé, c'est « vu ». Il n'y a pas de verbe à l'infinitif. Que j'ai vu entrer, E-N-T-R-E-R. Que j'ai vu vendre, si on veut. Que j'ai vu se vendre. Je fais des liens, là, j'explique. Bon. Donc, c'est ça. Dans ce cas-là, dans les phrases comme ça, on va remplacer le... Attends, j'essaie d'expliquer ça comme il faut, là. Faut remplacer le... Attends un petit peu. Faut remplacer le complément direct par un pronom. OK, bon. Exemple. Je viens étape par étape, c'est ça. Bon, Audrey était parmi... Mais donc, je dis juste parmi les élèves que j'ai vus. J'ai vu. Parmi avec un S. Il n'y a jamais de S à parmi. J'ai c'est un adverbe, c'est invariable. Bon. Toujours un S. OK. Ouais. Je recommence. Faut remplacer le complément direct par un pronom. Je vais essayer de vous le faire trouver. Les élèves que j'ai vu qui ou quoi? Les élèves. Ils, ouais, si les on élèves. Remplace ça par un pronom, je les ai vus. Les ai vus. Ouais. OK. Étant donné que, dans le fond, chaque fois qu'on a un participe passé avec avoir suivi d'un infinitif, faut remplacer le complément direct par un pronom. C'est comme ça si on veut réussir à l'accorder. Donc, les élèves que j'ai vu qui, quoi, les élèves, je les ai vus. On remplace le complément direct. Vu avec un S? Oui. Étant donné que le complément direct est placé avant. Comprends? Ouais. Mais est-ce que je suis un peu visuelle? C'est pas évident. OK. Vous allez pouvoir me réécouter tout le temps en boucle. Ben oui. Écouter ma douce voix mélodieuse qui vous réveille avec des participes passés. C'est vous allez belle... pouvoir comprendre. C'est ça. Bon. Une voix matinale. Parfait. C'est une blague. OK. J'ai un autre exemple dans lequel on ne l'accordera pas. Là, on l'accordait étant donné que le pronom complément direct était placé avant. Ça, c'était pas un pronom réfléchi. Tana. OK. Là, on sort n'importe quel mot, là. Tana. Je comprends plus rien. OK. Autre exemple. Dans la foule, il y avait... Attends, on va enlever dans la foule, là, ça va vous mettre. OK. Il y avait... OK. Il y avait plusieurs personnes que j'ai cru reconnaître. Cru, qu'est-ce que t'as cru reconnaître? Non. OK. J'ai cru, en fait, quoi? Reconnaître. Quoi? Non, c'est pas ça. J'ai cru reconnaître qui ou quoi? Plusieurs personnes. OK. Plusieurs personnes. OK. On comprend? Oui. Il y avait plusieurs personnes que j'ai cru reconnaître. Mmh. J'ai cru reconnaître qui, quoi? Plusieurs personnes. Si on le remplace par un pronom, j'ai cru me reconnaître. Les reconnaître? Oui. Oui. Donc, c'est au pluriel. Et au féminin? Attends. J'ai cru les reconnaître. Notre complément direct, c'est les. Est-ce qu'il est placé avant ou après j'ai cru? Après, il s'accorde pas. C'est ça! Wow. C'est fini pour avoir. Wow! Ouf! Hey, j'ai l'impression de revivre mes pires moments de ma vie avec mes règles de français. Aïe, merci pour l'encouragement. Non, bon, mais c'est pas vrai, mais c'est difficile pour bien les gens. Je pense que c'est pas ça. Faut que t'écrives. Non, mais les exceptions, moi-même. Il faut que j'y réfléchisse. Là, quand, y en a certaines qui sont plus automatiques parce que je fais juste ça de ma vie du français. Là, mais c'est vraiment pas évident. C'est ça. C'est pas facile, les exceptions. Sinon. Les règles, à la base, les règles vont relativement bien. Mais sont pas tout le temps maîtrisées par tout le monde quand même. Juste la base, j'ai mangé une pomme. Il y en a qui vont mettre E accent aigu E parce qu'il y a accordé avec la pomme. Mais logiquement, ça pourrait être ça aussi. Si la règle avait été inventée comme ça, ça aurait été bien logique. Mais aussi, là, si. Hein? C'est le français, il n'y a pas de logique. Français, y a pas mais de y en a une. Mais non, mais là, mais ça prend évident. Des règles comme il y en a dans toutes, là, tu sais. Puis qui a décidé que 2 plus 2 était égal à 4 là, en mathématiques, c'est en lion même. Bon. Tout à fait. C'est ça. Ah, c'est un bon exemple. Ouais. Bon, merci. Les participes passés, pronominaux. Pronominaux, qu'est-ce que ça veut dire? OK. Ça, c'est quand même simple, le mot a l'air. Ah, mais ils inventent des mots beaucoup trop compliqués pour tout ça. C'est une blague. Non, encore. Parfait. Oui. OK. J'ai ça à cœur, le français. Oui, je sais. Bon. Pour commencer, il faut différencier deux types de verbes pronominaux. Vous allez tout comprendre, vous connaissez déjà tout ça. Il y a les verbes essentiellement pronominaux qui ne s'utilisent que sous forme pronominale. S'évanouir, s'écrier, se souvenir, se suicider, tout ça. Tu peux pas suicider quelqu'un, tu peux pas écrier quelqu'un ou quelque chose. OK. Écrier, donc, c'est quoi? Je m'écris, là. Ouais, tu t'excites. Pas rappeur, je crie, c'est ça. Bon, neiger aussi, c'en est un. C'est un verbe impersonnel. Ah. Okay. Presque, non, genre, presque. Bon, parce qu'on dit tout le temps, il neige, tu ne peux pas neiger. Mais désolé, Angélie, tu ne peux pas neiger. Non. Oh, okay. Si tu veux, toi, matin. Okay. L'effet, c'est rêve. Bon, OK, donc, verbe pronominal, essentiellement pronominal, ne s'utilise qu'avec un... dans la forme pronominale, finalement. OK. C'est s'évanouir ou ça, tu peux pas évanouir quelqu'un, comme j'ai dit. Un verbe occasionnellement pronominal peut s'employer avec le pronom réfléchi qui est avant, ou... peut s'accorder sans parler, regarder. J'ai de comprendre. Dans le fond, c'est s'il y a un S apostrophe ou pas avant. Ou un N apostrophe. Ou tout le temps ou occasionnellement. Ouais, c'est ça. C'est le S apostrophe. Qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là? Ben, ton verbe il est essentiellement pronominal quand tu as tout le temps le se. Mais qu'est-ce que ça fait? Soit essentiellement ben, je vais revenir après ça. Une minute. Okay. Bon, donc, occasionnellement pronominal, comme je disais, il y a, mettons, laver. Je lave la vaisselle, mais je me lave aussi des fois. Tu sais, ouais. Ça m'arrive. OK. J'espère. Bon, là, on fait la différence entre les deux. OK. Parce qu'il y a deux types d'accords, finalement, qui sont quand même pas si pires que ça. Bon. Le verbe essentiellement pronominal, super facile, s'accorde toujours avec son sujet. Je me suis suicidé. Mais je suis une fille, donc on le sait. Donc, suicidé, E accent aigu, E. OK. Je me suis... mettons... Les garçons se sont écriés E accent aigu S. Parce que c'est tout le temps pronominal, c'est ça. Parce que c'est tout le temps pronominal. C'est tout le temps, pronominal. Pronominal, ça s'accorde. Avec le sujet, ça s'accorde tout le temps. OK, pas compliqué ça. Non, ça va. C'est pareil comme avec l'auxiliaire être. OK, ça va, on comprend. Good. Excellent. Bon, donc, il faut toujours se poser premièrement la question est-ce qu'il est essentiellement ou occasionnellement pronominal? D'accord. Voilà. Pour le verbe occasionnellement pronominal, écoutez bien. C'est pas si pire, c'est parce que les règles font peur, là. Occasionnellement, ça veut dire quoi? Ben non, mais je sais ce que ça veut dire, mais mettons un exemple de verbe. Laver. Je lave la vaisselle. Okay. Je peux laver quelque chose, mais je peux me laver aussi. Okay. Donc, ça peut être le verbe laver ou ça peut être le verbe se laver. Okay. Tu comprends? Fait que là, il faut que tu réfléchisses à toutes les façons que tu pourrais utiliser un mot, tu sais. Ouais, mais souvent, si c'est se laver, il s'accorde avec le sujet. Ouais, c'est ça. Si c'est le verbe se laver, je me suis lavé, E accent aigu, E. OK. C'est ça. Ça, c'est simple. Ça va? Ouais. Okay. Mais le verbe s'accorde pas toujours avec le sujet. C'est cool. C'est pas facile comme ça. Ça, c'est la prochaine chronique ou dans quel temps. Non, mais c'est pas facile. Non, mais ça, c'est de résumer ça, non? Mais je sais pas. C'est le fun, hein? C'est le fun. Ben, ça dépend. Mais le verbe s'accorde tout le temps avec son sujet. Non, mais le verbe s'accorde tout le temps avec son sujet. Ouais. Mais le participe passé. Ouais, OK, on parle des participes passés, ouais. On parle des participes passés, mais le verbe, il va toujours s'accorder avec son sujet. Tu peux pas pitcher un verbe de même. Pronominaux ou pas, là? Un verbe pronominaux ou pas? Pronominal, c'est vrai, merci. T'as fait l'erreur avec un pluriel tantôt, puis tu l'as dit au singulier, fait que je veux dire, je chialerais pas, c'était toi. Ouais, tu l'as fait tantôt. Merci, Matt. Mais bon. Moi, je me suis surprise après. Tu iras t'écouter. OK, bon, parfait. Donc, quand il est occasionnellement pronominal, il va s'accorder comme s'il était avec l'auxiliaire avoir, même s'il est écrit avec être. Et Colin, non, mais c'est juste, faut retenir la règle. C'est comme un loup déguisant mouton, ça, hein? Mais non, mais on la connaît déjà, la règle. Vu qu'on connaît déjà la règle d'accord avec l'auxiliaire avoir, ben, celle-là, on la connaît. Il faut juste retenir que le verbe occasionnellement pronominal, s'accorde comme s'il était avec avoir, même s'il était avec être. Donc, il s'accorde tout le temps. Non. Non, non, il s'accorde. S'accorde comme s'il était avec avoir. Ouais, c'est ça. Être s'accorde tout le temps. C'est ça. Même s'il était avec être. Exemple. Elles se sont parlé au téléphone. Elles se sont parlé. OK. Je vais vous expliquer. Quelqu'un. Je vais vous expliquer les manipulations qu'il faut faire avant. Oui. Bon. Premièrement, on change l'auxiliaire être pour l'auxiliaire avoir, vu qu'on l'accorde avec avoir. Elles se sont parlé au téléphone. Si on change le se sont pour l'auxiliaire avoir, ça va donner quoi? Elles ont. Elles ont parlé. Ouais. OK. On comprend? Là, c'est comme parlé. Du passé composé. Ben oui, c'est tout au passé composé. Ben, ça veut dire et? Ça s'accorde pas? C'est ça? As-tu fait ton secondaire? As-tu réussi? Hey, j'ai passé. J'ai passé mon test au cégep. Mais c'est, ça a du sens ce que je dis. C'est et? Non? Mais non, mais ça voudrait dire que tout ce que je suis en train de dire depuis tantôt. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On accorde tout le temps tout avec son début. Faisons ça, c'est pas sûr. C'est pas facile comme ça. Malheureusement, sinon, j'aurais pas de job dans la vie. Puis les élèves. Ouais, on se souhaite. Mais parler, passé composé. Non? Bon, mais toi, t'es ton passé composé depuis tantôt. Ouais. Ce que je t'ai dit. On apprend le passé composé. Okay. C'est ça. Okay. On apprend comme comment accorder les participes passés. Okay. Qui sont. Bref, j'ai vraiment rien compris. T'as compris, mais c'est parce que je pense que tu mélanges peut-être tout. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que t'as pas rien compris, là. T'es pas si idiot que ça, tu sais. Merci. C'est encourageant quand même. Ouais, OK, bon. Parfait. Donc, comme je disais, elles se sont parlé. On remplace par l'auxiliaire avoir. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Non, excusez. Non, je suis un peu mêlée, les mots déconcentrés. Normal. OK, donc, faut déplacer ensuite le pronom réfléchi « se » après le verbe pour voir s'il est complément direct. Okay. Elles ont parlé elles ont ce. Elles ont parlé à qui? À ce. Ce. À ce. Elles-mêmes, donc. Complément indirect. Okay. Elles ont parlé à qui? Oui. Elles ont parlé à quelqu'un. Donc, à ce, complément indirect. Puis avec avoir, est-ce qu'on l'accorde quand c'est un complément indirect? Non! Donc, non. Elles se sont parlé E accent aigu. Bon, fait qu'il y avait raison tantôt, mais pas pour la même raison que pensais. C'est ça. Mais t'avais raison. Le résultat, l'important, c'est pas un demi-point, mais pour les explications, pas de point. Ah non, j'explique rien. Mais non. Bon, mais là, tu vas peut-être les filer. Je comprends rien, j'explique rien. OK. Ben, je suis pas super en français. Un autre exemple où on va. Mais c'est que souvent, on. Tu sais, je sais pas, moi, j'ai beaucoup lu dans ma vie, fait qu'avant d'avoir tout. Mettons. Vraiment appris toutes ces règles-là, ben il y en a certaines que je faisais par réflexe puis je me disais ça peut pas être autrement comme ça parce que j'ai toujours vu comme ça. Fait que quand ouais, on ça, est visuel comme ça. Ah, c'est ça, exactement. C'est, oui, un bon, c'est un très bon truc, lire beaucoup. Ben tu peux pas tout le temps te fier à ça non plus, là, mais souvent ça va t'aider à. Ça va être moins pire. Quand t'as pas expliqué, mettons, c'est ça. Ouais. Bon. OK, un autre exemple. Ils se sont. Ben ils, au pluriel, évidemment. Ouais. Ils se sont regardés dans le miroir. OK. OK. Première manipulation, on remplace l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Ils se sont regardés. Ça va devenir quoi? Ils ont regardé. Ils ont regardé. On déplace le pronom se après le verbe. Ils ont regardé quoi? Se. Se, le donc, miroir. Donc. Non, non, eux-mêmes, dans le miroir, c'est ça? Ils ont regardé. Au pluriel. C'est ce sont. On saute pas l'étape, sinon non. On comprend pas. Okay. Ils ont regardé se. On s'entend, on l'a déplacé. Ça, c'est oui. Bon, oui. Ce, il est quoi? Complément direct, indirect ou aucune de ses réponses? C'est l'étape que j'ai de la misère avec. Hein? Un peu. Complément direct, il n'y a pas de petits mots avant. C'est ça, complément direct. Okay. Ils ont regardé, dans la nouvelle grammaire, il faudrait dire, ils ont regardé quelqu'un. Quelqu'un, c'est il. Eux-mêmes, il, ouais. Donc, complément direct, on accorde. Ah! Ils se sont regardés, E accent aigu, S. Tout le monde fait comme des demi-sourires, genre. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, ben... Je sais que c'est compliqué, mais là. Non, mais j'ai quand même compris. Maintenant, c'est de l'appliquer. Est-ce que j'ai pu démêler au moins une chose chez chacun de vous ce matin? Mais ça fait du bien de s'en rappeler. T'as parlé de passé composé. Non, mais je suis de toute façon, je devrais même pas te poser ces questions-là. Hey, non, mais c'est pas facile. Non c'est pas facile. Mais il faut s'imprégner de l'information, écouter peut-être une deuxième fois ta chronique. Hein? Mais, non, mais pour vrai, là, je dis pas ça parce que. Parce que je m'aime full, lui, parce que je me trouve donc bonne. Mais vous êtes non, mais, poche, puis moi, je suis bonne. Non, c'est pas ça du tout. Mais non, je voulais dire, en fait, allez le réécouter si, mettons, vous comprenez pas quelque chose. Puis, tu sais, peut-être avec un papier, un crayon, quelque chose, ou croisez-moi dans un couloir, puis ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Ouais. Et lisez, et, tu sais, je veux dire, pratiquez-vous dans ces affaires-là. Ben oui, parce qu'une fois que tu l'as appris, pour vrai, ça sort plus, là. C'est ça. Moi, depuis, mettons, le primaire, que je sais que. Non, mais tu sais, l'auxiliaire avoir, non, mais tu sais, depuis le secondaire, mettons, l'auxiliaire avoir, je le sais, tu sais, je connais la règle par cœur depuis que je suis, mettons, au secondaire, là. C'est accord avec le complément direct s'il est placé avant le verbe. Je l'ai retenu à cette heure, faut que je. Tu sais, plus tard, fallait que j'y réfléchisse. Moi, c'est con, on dirait que j'écris comme. Mais pas au son, mais tu sais, je suis comme habitué et moi, je suis pas capable de te l'expliquer pourquoi, mettons, ça prend un S là ou ça n'en prend pas. C'est une deuxième nature, une seconde mais, nature. Mais ouais, c'est ça, non, mais c'est peut-être parce que c'est ça, j'ai lu un peu, mettons, j'ai lu un peu, j'ai lu. Ouais. Ça commence mal pour dire que tu lis, mais bon. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est bien, au moins, on sait ce que c'est. C'est passé. Mais merci, Jasmine, pour le rappel. Je suis sûre que je vais avoir des mails de certaines personnes. Sûrement. Puis, si jamais il y a des gens qui écoutent, premièrement, deuxièmement, si ces gens-là qui écoutent. Oui, hein, si ces gens-là qui écoutent veulent que je parle de quelque chose, de sujet, de français, quelque chose qui les tourmente, dites-moi là. Ça me fait plaisir. Passez par la page Facebook d'Assemblage Requis, c'est super simple. Oui. Vous écrivez un petit message. Ça me fait fou de plaisir. Jasmine est admin là-dessus. Fait que, hey, Jasmine admin. Jasmine admin. Ouais. Donc, ça me fait fou le plaisir. Super. Et une fois de temps en temps, tu vas ramener des sujets comme des quiz une fois de temps en temps aussi. La semaine prochaine, d'après moi, je reviendrai avec mon quiz de la semaine passée. Pour faire une chanson pour Julie. Oui, c'est parce que là, j'ai. Tantôt, j'ai un oral. Je suis en enseignement, tout le monde. Vous savez? Oui. Puis j'ai un oral tantôt, justement, où on simule qu'on est dans une classe, puis moi, je parle des participes passés. Donc, on était tes cobayes, c'est ce que tu veux dire? Non, pas tant que ça, mais je me suis dit que j'ai quand même travaillé là-dessus pas mal dans les derniers jours, donc je me suis dit que je pouvais en parler ce matin. Nous en faire profiter, c'est une bonne idée. Ma matière. Tout à fait. Good job. Ouais. Voilà. Jasmine Lamine, merci. Ouais. On se retrouve mercredi prochain à 8h. On se retrouve demain, à 7h30. Après-midi. 7h30. Et demain après-midi, bien sûr, au Palmarès C'est fou, les jeudis entre 14h et 17h. Oh oui! OK, oui. Ouais. Et puis, tu restes avec nous pour la chronique d'Anne-Julie. Ça dépend de quelle heure? 8h02. T'as le temps? Ben, quand même. Ah ouais, non, Anne-Julie. Ça tombe bien parce que nous, on va terminer l'heure ici parce qu'on a quand même quelques petites affaires à faire autre que juste des chroniques ici. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on vient avec la chronique sur la GEQTR avec Anne-Julie Durocher. De quoi est-ce qu'on va parler tantôt rapidement? On va reparler du carnaval, parler du poste de directeur général des élections. On va surtout parler de l'Assemblée générale qui s'en vient la semaine prochaine, puis des soirées qui s'en viennent à la chasse galère. Ouh, fantastique. Merveilleux. On revient tantôt. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est là. C'est assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 1er février 2012. Il est 8h06, puis c'est François-Louis Marchand. Et c'est Mathieu Plante. Oui, toujours avec Julie Durocher et Jasmine Raymond-Drainville. On va aller écouter une petite pièce de la part de Jasmine, qu'on n'a pas fait entendre tantôt. Oui, en fait, tout le monde sait que je suis en amour avec Carquois depuis le début de ma vie. Là, je pense que, en tout cas, Mathieu doit le savoir. Là, avant même que ça existe, ça paraît ça. Ouais. Avant que ça existe, puis avant que je naisse, je trippais déjà sur eux autres. Mm-hmm. Le percussionniste Julien Sagot a sorti son premier album solo hier. Mmh. Puis moi, j'avais déjà écouté le seul extrait qui était disponible en fait sur son site avant que l'album sorte. Puis je trouvais ça très intéressant. Ouais. Donc voilà, l'album est sorti hier. J'ai couru chez un bon disquaire acheter l'album. Puis c'est vraiment... en tout cas, j'ai pas écouté tant que ça étant donné que je faisais des devoirs hier. Là, mais voilà, donc je trouve ça excellent quand même. Puis la pièce qui va jouer, c'est la l'extrait qui était disponible finalement sur le site avant la sortie de l'album. Ouais, c'est Piano Mal. Ouais. À Assemblage. Comme tu respires à la paille, fakir à tête de soleil, tes pieds de cuir me réveillent, de la braise entre mes dents. Alors j'ai fait du café et je vais me recoucher. café et je vais me recoucher. C'est à l'envers que j'y crois, le velours sur tes genoux, le velours sur tes genoux. Fille, je les regarde jaloux, au loin la mer te courtine. C'est un navire qui s'enlise, c'est un navire qui s'enlise. C'est fini? Oui, c'était Sago avec la pièce de l'album Piano Mal. Sago qui est le... percussionniste de Carquois. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Merci Jasmine pour ce choix musical. Ça me fait plaisir. On a reçu CD, je crois. C'est fou. On va pouvoir faire jouer ça. Hein? Ouais. Oui. Maintenant, Anne-Julie Durocher, on la reçoit à l'instant. Voici sa chronique AGE UQTR. Donc... Anne-Julie Durocher, t'as même pas écouté ma chanson thème que je t'ai faite custom juste pour toi. Non, j'ai pas écouté. Voilà. Donc, on a plein de sujets à expliquer aujourd'hui dans ta chronique AGEQTR. Ouais, grosse chronique aujourd'hui. Ben, il y a des petits points. C'est pas si long. C'est juste des petits points. Petits points noirs, là. J'ai pas de points noirs, là. Je parle de moi-même. Ah, les enfants. Donc, je vais revenir sur le carnaval qui s'est terminé la semaine dernière. Une belle édition. Oui. Ça a bien été. Oui, les étudiants sont bien contents, les carnavaliers. Et, je pense que tout le monde a eu beaucoup de plaisir. Tout le monde est malade cette semaine et fatigué, mais on va s'en remettre. Tranquillement. Ils sont juste malades la semaine du carnaval, la semaine d'après du carnaval, la semaine de la mi-session, la semaine d'avant, la semaine d'après, la dernière semaine de la session puis la première. Oui, c'est ça, il mais reste là. Deux, trois semaines normales. C'est ça, mais le monde sont malades, puis le monde est malade. Puis. Avec un S, pas de S. Oh, là, t'en poses des questions. Mais ouais, là, après ça, ils vont avoir une semaine de repos, puis c'est la mi-session. Mais bref, carnaval. Hein? Le changement, le classement a changé. Parce que c'était Kiro qui avait gagné. Est-ce que ça a changé? Non. Okay. Kiro reste en première place. C'est la deuxième qui change. Kiro, c'est comme les rois du carnaval. Là. Non. Ben, à chaque année, ils sont BS forts. BS a gagné l'année dernière, en ouais, secondaire. Ouais, BS. Kiro gagne souvent, mais c'est pas les rois. C'est pas les rois. Non. OK. Pas encore. Non, pas encore. J'espère qu'il y a personne de Kiro qui écoute en ce moment. Non, mais s'il gagne l'année prochaine, je les proclame officiellement les rois du carnaval. Non, on regardera les années passées, puis on jugera. Mais avant BES, d'après moi, c'était Kiro. Je pense que l'année d'avant, en effet, je pense que c'était Kiro. Ouais. Mais en tout cas, BES est au deuxième rang, finalement. C'est pas si pire. Au lieu à combien de quatrième, points? Là, les questions ce matin. Okay. Hein? Moi, je parle du décompte. Puis finalement, en troisième place, c'est communication sociale. OK, qui a quand même... Ça a rechangé le matin que Jasmine m'a dit. Ça a rechangé ce matin. Attendez, décidez-vous, je vais aller Bon, OK, on va revenir à la fin de ma chronique. Là. On va faire une vérification pour dire les bonnes choses. On a l'information live ici. Là. Bon. C'est fou. Bon, ça a rechangé. Bon. Donc, AECS, c'est communication sociale, Jasmine. Mais c'est ex aequo avec BES et psycho-ed. Il y a trois deuxièmes places. Puis en quatrième, c'est histoire. Il n'y a pas une question pour faire le départage. En troisième, c'est histoire, ça veut dire? Je sais pas. Mais en tout cas, je peux te dire que la deuxième place, c'est ça. Deuxième place, c'est ex aequo, BES, communication sociale, oui. Puis psycho-ed. C'est ça. OK, mais on sait pas c'est qui en troisième place. On joue à... C'est la collègue de qui déjà? Oui, mais c'est peut-être histoire parce qu'il est en cinquième place. Mais histoire a quand même bien performé hein, cette année, puis ils sont pas nombreux. Histoire ont très bien performé cette année. Je suis bien contente pour eux. Oui. Puis ils ont fait un beau travail. Puis ITR aussi, grosse surprise. ITR, ouais, c'est ça. Participent pas normalement au oui, carnaval. Oui, participent pas normalement. Parce que ils ont. Les jeux de génie. Mettons, là, je fais un résumé du mois de janvier pour eux. C'est jeux de génie, congrès, puis CQI, là, qui est un autre genre congrès de je sais pas quoi, d'ingénierie. Fait que c'est, toutes les semaines, ils ont quelque chose. Ils dorment pas pendant 3 semaines. Fait que le carnaval, c'est comme beaucoup. Okay, ouais. Mais cette année, ils étaient ils motivés. Ils ont trouvé le temps. Oui, ils étaient motivés. Puis tant mieux pour eux. La semaine dernière, je vous ai parlé du poste de directeur général des élections. Oui, oui, poste qui était à combler, d'ailleurs. C'est ça. Qui a été comblé. Oui, qui a été comblé par ancien président de l'AGE et ancien vice-président aux affaires externes, Frédéric Desrues. Président du conseil d'administration du groupe des médias étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ben oui, il en fait des choses. Ah ouais. Donc, c'est le directeur général des élections. Donc, pour tous ceux qui voudront se présenter aux élections. Fantastique. On va le recevoir d'ailleurs ici en onde pour nous parler des élections. Bien sûr. Ben oui. Comme à chaque année. Dernière. C'est la tradition, le vœu. Ben, c'est le fun. Fantastique. Félicitations à lui. Ben oui. Ben oui. Bon, on va parler de la chose plus sérieuse, là. OK. Ben quoi, les élections, c'est très sérieux. Même, ouais, c'était quand même sérieux. C'est le gros party, les élections, ça? Ben. Puis là, est-ce qu'on sait, en fait, les personnes qui sont candidates? Pas encore. Pas encore. Non? Ils vont venir te voir. OK. Frédéric bien va venir te voir. Oh ouais, OK, c'est OK. Je parle de ça avec Frédéric Desrues. Ben, c'est ça. On a tout un... Ben, il a un calendrier de toutes les échéances et tout ça à respecter aussi, là. OK. Et exemple, un étudiant qui voudrait se présenter jusqu'à quelle date? C'est à partir du 27 février. OK, c'est même pas commencé. Non, c'est ça. Okay, fait que ils ont le temps de... Ils ont le temps en masse. De se faire une idée. OK. Chose plus sérieuse, la semaine prochaine, mercredi 8 février. Oui. Donc, dans une semaine exactement. Mm-hmm. Jour pour jour. Jour pour jour, c'est l'Assemblée générale spéciale. De l'AGE UQTR. Hein? C'est en plein ça, qui va avoir lieu au 10-12 Néré-Beauchemin. C'est spécial un peu cette année, parce qu'on fait... Ben, ça tombe bien, c'est dans le nom. Oui, mais tout d'abord, il y a une levée de cours. OK. Ça, je pense que c'est important de vous le dire. Vous avez droit à un certain nombre par année à l'AGE, deux. C'est ça? On avait droit à un, okay. Maintenant... C'est rendu deux. Oui, ils sont gentils. Oui. On a droit à deux. Puis là, l'année commence, session. Fait que vous n'aurez pas d'autres avant un bout. Non, on en a une en septembre, là, mais... OK, quand même. Ça, c'est l'assemblée normale. Oui, c'est ça. Okay. Mais on a le droit à deux levées de cours par année, mm-hmm. Ce qui est très bien parce que nous autres, ça nous permet de rencontrer les étudiants plus facilement, ouais. Et tout ça. Donc, c'est très plaisant. Ouais, ouais. Donc, on a une levée de cours à compter de 13h30, 13h30, 14h30, 16h30. C'est 3h, ouais, la levée de cours. 7h30, là, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Parfait. Donc, on ouvre la première assemblée générale. On va présenter les avis de motion sur les changements des statuts et règlements généraux. Il y a quelques changements. Les principaux changements qui vont être présentés, c'est au niveau des tâches des officiers qui vont... Que tous les officiers passent ou... En fait, on va proposer deux... On va faire deux présentations, si tu veux, deux propositions qu'on présente aux étudiants. Une où on fait juste une restructure, on met au goût du jour, là, parce qu'il y a bien des choses qui changent avec les années. Puis ça fait quelques années que ça n'a pas été fait. On enlève, on rajoute certaines tâches, on modifie les noms de certains postes et tout ça pour que ce soit plus actuel. Cohérent. Oui, c'est en plein ça. Mm-hmm. Puis l'autre proposition qu'on fait, c'est l'abolition d'un poste, soit celui du vice-président aux affaires, aux communications. Oui, c'est ça. Donc, enfin, qui là est occupé par Malik Diagne. Oui, donc c'est ça. C'est nos deux propositions. Lui, c'est vraiment d'abolir son poste. Là. C'est d'abolir le poste, mais c'est sûr, les tâches... Il y a des tâches qui vont être transférées à différents officiers, principalement au vice-président, la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Okay. Mais il y a aussi le but d'engager des étudiants. Des étudiants. Pour faire les choses plus techniques, par exemple un graphiste, un webmestre... Des gens qui ont un petit peu plus de spécialisation. C'est ça, c'est ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait des qualifications un peu plus techniques pour ce poste-là, mais on veut pas empêcher un étudiant non plus de se présenter aux élections pour avoir un poste, dire c'est bon, mais c'est juste pour le programme, exemple, d'art et de maths informatique. Non, c'est ça exactement. Et la personne qui est élue n'a pas nécessairement les compétences pour faire une affiche ou... Ben c'est ça, des fois c'est plus technique, donc c'est pour ça qu'on fait les deux propositions. C'est sûr qu'il faut remettre au goût du jour, comme on a dit, donc c'est pour ça qu'on voulait pas juste faire une proposition d'abolition et que ça passe pas, là. Il y a des choses qui doivent être faites rapidement parce que ça fait quand même quelques années que ça n'a pas été fait. Et ça, si c'est adopté, est-ce que Malik en fait perd son poste la journée même ou? Non, non. Bien sûr que non. Oh, donc, non. On l'aime trop. Mais oui, on va le garder. Là. Moi, je veux qu'il continue à travailler avec moi. Donc non, ça va rentrer en vigueur dans le fond pour les prochaines élections. Il n'y aura personne. Il n'y aura pas ce poste-là. Okay. L'entrée en poste des nouveaux... 1er mai. 1er mai, ok, fantastique. 1er mai. Puis, c'est ça. Donc, on fait un avis de motion, une assemblée générale avec l'avis de motion qui va être suivi d'une seconde assemblée générale. Mais back to back? Back to back. Dans la même journée de suite. Oui, dans la même journée, à une demi-heure de différence. Ah ouais. Vous en fermez une, puis vous en rouvrez un autre. Pourquoi également, vous êtes obligé de faire une autre assemblée, vous n'avez pas le droit de faire ça dans l'ensemble. Le vote de grève? Temps plein. Non, il n'y a pas de vote de grève, là. On pas des rumeurs. Non, je parle pas de rumeurs. Donc, non, c'est parce que, en fait, les avis de motion doivent être présentés en assemblée générale. OK. Un avis de motion. Puis, puisque la restructure n'avait pas tout été faite pour le mois de septembre pour la présenter à l'Assemblée générale annuelle, c'est le moyen le plus rapide et totalement légal de présenter la chose comme ça. Donc, on va clore la première Assemblée générale. Faut que tout le monde sorte? Non, on va faire signer deux feuilles. Dans le fond, ceux qui vont être là pour les deux Assemblées générales vont pouvoir signer les deux feuilles à l'entrée. Puis sinon, ils vont signer la première. Puis après, tout le monde va entrer pour la deuxième. Donc, c'est ça. Puis... l'ordre du jour pour la deuxième assemblée générale, donc c'est l'adoption de ces modifications-là au statut règlement. Donc là, on va pouvoir avoir des discussions. Les étudiants vont pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas. Ce qu'ils en pensent. Ouais, c'est ça. Si, puis quelles propositions qu'on leur propose qu'ils acceptent. Puis ensuite, on va avoir un point aussi sur le mouvement étudiant. C'est quoi ça? Donc, les étudiants... sûrement qu'une plénière va être proposée pour que les étudiants... viennent nous faire un peu comme des propositions de qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse comme action pour la prochaine session pour contre la hausse des frais de scolarité. Là, ça va être juste de prendre les idées, le pool des étudiants aussi. Mais c'est ça, mais ils vont pouvoir faire aussi des propositions, là, c'est proposer des idées puis ce qu'ils veulent. On veut savoir si c'est le meilleur moyen, selon nous, de rejoindre le plus d'étudiants possible. D'ailleurs, il y avait eu plusieurs idées, comme exemple, acquitter sa facture de session avec des scènes noires. Ouais. Ah, il y a plein d'idées comme ça. Mais on veut juste savoir un peu qu'est-ce que les étudiants attendent de nous pour la prochaine session. Donc, c'est ça. Puis après ça, on va faire un retour sur les frais institutionnels obligatoires qu'on avait parlé à la dernière Assemblée générale. Dire qu'est-ce qui s'est passé, le résultat de tout ça. Puis, ça va être fini. Ça va être terminé. Mais oui. Mais je rappelle que le quorum est de 60 étudiants. Donc, ça serait fun que... Ce serait nécessaire. Ouais, avec une levée de cours comme ça. Mais je pense que c'est le devoir d'étudiants d'être présents en Assemblée générale. Exactement. Donc, soyez présents, soyez là, soyez informés. Parce que tous les changements qu'on propose pour les statuts règlements généraux sont sur le site Internet de l'AGE. Puis sinon, venez nous voir à notre bureau, on va vous expliquer. Ouais, c'est ça, passez. Puis vous êtes parlable, tu sais, vous êtes pas. Je pense que oui, je pense qu'on est parlable. Ouais, demandez à Anne. Ouais, mais sinon, je pense que la personne la mieux renseignée sur le dossier aussi, c'est Anthony Ndéel, le secrétaire général. C'est lui qui a travaillé sur le dossier. Sinon, pour des questions sur l'abolition du poste de vice-président. Il y a Malik aussi. Ouais, c'est ça. Malik va vraiment pouvoir vous renseigner sur pourquoi. Que tu sais, parce qu'il est quand même d'accord avec cette proposition là, c'est pas contre lui ou contre Il trouve ça logique et puis c'est le fun d'entendre ça parce que c'est quand même son poste, t'sais. Ouais, c'est ça puis je dirais même que c'est quasiment une de ses idées qu'il a amené là, tu sais. Il en a parlé beaucoup avec Anthony, puis il a dit, tu sais, je me rends compte qu'il y a certaines choses techniques que je ne peux pas faire, donc je pense que à son avis, il pense que ça serait mieux d'avoir ça serait bien comme ça. Ouais. Donc, je n'aime pas de nous voir puis aller vraiment lire les documents sur le site Internet de l'AGE. C'est super simple. C'est un tableau. Dans le fond, la version présente, l'originale, puis les deux modifications qui suivent. Fait qu'on peut voir facilement, faire le parallèle. Pis... Ça, c'est sur ageqta.org. C'est en plein ça. Si vous y allez pas, ben chialez pas parce que... Mais ça, on prend des décisions, puis soyez présents. Tout à fait. Voilà. Formidable. Et puis là, est-ce qu'on parle vite des activités qui sont à venir? Oui, vite. Demain, on a la soirée de l'humour à la Chasse-Galerie à compter de 19h. OK. Ça peut ressembler à quoi, ça? Des étudiants vont venir compter des jokes. OK. Puis, facile de même. Mais c'est facile de même. Bon, parfait. T'en as-tu une pour nous ce matin? Ben, t'as pas un carambar? Ouais, c'est en plus ce que j'allais dire. Non, j'en ai pas. Ah, c'est je suis pas très drôle. Ben là, arrête donc. Donc, c'est ça. On a quelques associations qui se sont inscrites jusqu'à présent. Il manque des inscriptions, par exemple? Il manque un peu d'inscriptions. Peut-être, je pensais faire comme chaque étudiant compte une joke, puis après ça, on en élimine. Mais finalement, ça va peut-être être plus comme un tournoi de roche-papier-ciseaux. Donc, t'as un 4 de 7 ou quelque chose de même. OK, OK, cool. Ouais. Ouais, en tout cas, on va changer peut-être un peu la formule pour s'adapter au taux de participation. Puis, c'est ça, puis on a des bons animateurs. C'est qui c'est Simon dit? Fitzbé. Ah, ouais, pour vrai? Simon Fitzbé. Ouais. Ouais, oui. Puis Mathieu Roy, président d'histoire et l'animateur Simon de Fitzbé, la nuit. Qui est en histoire aussi. Là. Ouais, ouais. Fantastique. Mais ça avait bien été, c'est eux autres qui avaient fait C'est fou la musique. Puis, soirée de la musique. Soirée de la musique, excuse-moi. Ouais. Allez, ouais. Je me mets tout le temps. Ouais. Non. Et puis, ouais, ça, c'était super bon. Ouais, c'est ça. Non, ils font la bonne job. Fait qu'on les reprend. Puis, la semaine prochaine, activité que présentement j'ai le plus hâte et je suis vraiment énervée. Question pour un champion. Oui. J'ai vraiment hâte. Soyez là. Ça, c'est comme Génie en herbe. Oui. C'est un quiz. C'est un quiz. On a préparé les questions lundi soir. On a préparé 100 questions qui sont vraiment le fun. Oui. Est-ce que c'est dur? Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont plus faciles, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a le monde qui a préparé les questions, on avait du monde de à peu près... un peu partout. Ouais, toutes les branches qui sont présentes à l'université, si on veut. Là. Mais c'est vraiment des questions, tu sais, quand même, il faut être calé dans un domaine. Exemple, parce que la vraie question pour un champion, mettons, c'est l'histoire ou... Ouais. Mais faut quand même être bon, mais on a des questions plus faciles, là. Exemple, nommer la capitale d'un pays, des fois, c'est un peu plus facile, mais... On en a qui sont plus techniques, mais préparez-vous, jouez à des jeux le restant de la semaine, puis amusez-vous. Je sais que ça, c'est quand? C'est jeudi 9 février. OK, pas cette semaine, la semaine prochaine. Okay. De toute façon, on en parlera la semaine prochaine. 19h à Chasse-Galerie. Okay. Puis c'est ça, j'ai hâte. Puis encore une fois, envoyez-moi un courriel pour les participants. Tu sais, évidemment. Ton adresse? Ouais. VP Socio, SOCIO.AGE, à commercial UQTR.ca. Formidable, formidable. Et évidemment, les activités que tu as parlé, c'est gratuit pour les étudiants. Totalement gratuit, c'est à la Chasse-Galerie. Formidable. C'est pas mal ça pour ce qui se passe dans les deux prochaines semaines. Angélie Durocher, merci beaucoup. Mais merci à merci, vous. Merci, merci, merci. Est-ce que tu restes avec nous jusqu'à 9h ou? Peut-être pas jusqu'à 9h, mais oui, je vais aller me recoucher. Bon, parfait. Alors, écoutez, E. Watson de The Decemberists. On revient après avec plus d'assemblages requis au 89 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. The air all painted pallor gray, the storm was coming in. Folks were lining out in all directions. Me and Hoad and Henry Short were pitching on the skiff, trying to make it home before the night. And the gray waves were rolling, bold the brave, brave ocean and rolled us suckers in. Well, I don't keep to goings on, I tend to stick with kin, but Watson had an inn from the beginning. Built that house on Chatham Bend, a whitewashed knotted pine, 90 acres furrowed for the cane. He drove it down from Georgia, his dad a martyred soldier in the war between the states. Lord, bring down the flood, wash away the blood, drown these Everglades and put us in our place. Laid Edgar Watson in his grave. We laid him in his grave. Till I'm dust, I'll never know why he came ashore with all those killers gathered on the shoreline. Kicking holes in ugly mud, trigger fingers pinched, a brace of rifles bristled in the wind. And we towed his body northbound, buried him all face down with a good view into hell. Lord, bring down the flood, wash away the blood. down these Everglades and put us in our place. We laid Edgar Watson in his grave. We laid him in his grave. We laid him in his grave. We laid him in his grave. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Grenade et la pièce, c'était obsolète, pardon, assemblage requis. Maintenant, c'est la chronique, c'est un fait. C'est un fait qu'elle a collé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je rappelle que Anne-Julie Durocher de la collègue collégiale UQTR est toujours là. Oui. Bonjour. François Marchand aussi. Bonjour. Oui, parce que des fois, on entend des voix, mais on ne sait pas d'où ils viennent. C'est qui ces gens-là? Commençons par le grand ténor, là, Luciano Pavarotti. La la la la la la la la, je sais pas quelle note que ça la, la, la, la, la. C'était bon. Merci. Donc le ténor Luciano Pavarotti, son contrat, d'accord, demande à ce qu'il n'y ait aucun bruit ou odeur distincte proche de lui. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ses contrats. Pas d'odeur, ouais, pas de parfum, j'imagine. Mais bruit. Des bruits, pas de bruit autour de lui. Tu sais, c'est un périmètre autour de lui. Là. Il y a sûrement un périmètre lui-même, étant donné sa... Mais en plus de... ouais, c'est dans son contrat. Faites attention. Okay. J'ai jamais voulu rencontrer. Là, là, là. Son langage à la GE, je le saurais. C'est ça. Ça manque, ça manque de ténor à la GE. T'avais l'intention? C'était dans mes plans. Selon l'almanach de Stormfax, OK, une compagnie Stormfax, peu importe, est-ce que vous connaissez Punk Satani Phil? Est-ce que ça vous dit quelque chose, oui? Punk Satani Phil? Punk? Punk Satani Phil. Non. C'est le nom de la marmotte, du jour de la marmotte. Ah, OK. Tu sais, le jour de la marmotte qui est demain, hein? C'est le jour où la marmotte sort de son trou et dit s'il va y avoir, c'est quoi, 6 semaines d'hiver de plus? Ou... Je sais pas le nombre de semaines, mais si l'hiver va être plus long ou pas. Genre, s'il voit son nombre ou pas. Donc, le prognostic, si on veut, de Punk Satani Phil, qui est son nom, est seulement précis 39 % du temps. Donc, pourquoi on se fie là-dessus? Je sais pas. C'est même pas la moitié. Là. En fait, tu devrais te fier sur l'inverse. Oui, parce que tu aurais plus de chance. Tu aurais 61 % des chances. Exactement. Hey, t'es fort. Hein? 61, t'as bien raison. Le broadband, une connexion Internet haute vitesse au Burkina Faso, ça coûte 1 300 $ par mois. Chance qu'on n'a pas ça à l'université. Colin, hein? Hey, puis la connexion à l'université, c'est le champ de bonne. Non, c'est ça. Voilà, pour le Burkina Faso, c'est pas une place où prendre du Wi-Fi puis de... C'est mon computer. Seulement 20 personnes dans le monde ont ce qu'on appelle l'hypertimésie. L'hypertimésie. C'est qu'ils se rappellent de chaque détail de leur vie. Chaque détail de leur vie. Au détail près. Là, pour vrai? Oui, c'est vrai. Tel jour, telle date, telle heure, c'est qu'est-ce que tu faisais, il faisait beau. Comment t'appelles ça? L'hypertimésie. Ah, j'aimerais pas ça, moi. Non, mais c'est ça, parce que ça a l'air de toute bonne affaire de se rappeler des choses comme ça, non. Mais ça l'est pas du tout. Non. Il y a l'actrice Mary Lou Henner, qu'on connaît d'une émission de télé qui s'appelle Taxi. C'est une de ces 20 personnes-là, et elle a dit qu'elle peut se rappeler de chaque détail de sa vie depuis l'âge de 11 ans. On l'a vu d'ailleurs dans un épisode de 60 Minutes, donc en entrevue, où elle montrait ses capacités supérieures de mémoire. Le premier patient à avoir été diagnostiqué avec cette condition-là disait que ses souvenirs étaient un fardeau parce que ça arrêtait pas. C'était comme un flot d'informations qui n'arrêtait pas dans son cerveau. T'sais, c'est comme ça lui coulait dans la tête tout le temps, les infos. Et ça doit être le fun, pour un examen, tu peux étudier comme vraiment pas longtemps avant. Ouais, ouais, pour ça. Pour ça, mais tu sais, en même temps, tu fais tout le temps des trucs que t'as le goût d'oublier. C'est ça, ben oui. Ouais. Mais en plus, c'est qu'il faut que ce soit des souvenirs. Donc, tu peux pas juste, j'imagine, étudier et lire, parce qu'il faut que ce soit un souvenir. Donc, j'imagine qu'il faut que tu l'adaptes à ta vie. Il faut que tu le vives, ce souvenir-là, pour que tu t'en rappelles, j'imagine. Mais tu sais, mettons, moi, dans un examen, je peux me souvenir que j'ai souligné telle matière en bleu. Ah, okay. Mais je sais pas qu'est-ce qui est sous le bleu. Ah. La réponse, est-ce que c'est bleu? Ouais, non. Mais donc, ces gens-là ont de la difficulté à vivre dans le présent. Ils ne font que vivre dans le passé la plupart du temps. Dans les cinémas. T'sais, on sait tous que ça sent beaucoup le popcorn, le maïs soufflé. Okay? Mais saviez-vous que c'est pas le beurre ni le popcorn qui ont cette odeur-là aussi intense? Parce qu'il y a un produit chimique dans le popcorn des cinémas qui fait que ça amplifie l'odeur. C'est impressionnant quand même. Ah, c'est sûr. Donc, cette méthode-là qui rend le popcorn irrésistible, pourquoi est-ce que les cinémas vendent leur popcorn aussi cher, vous me demandez? Je te demande, pourquoi les cinémas vendent-ils leur popcorn aussi cher? Parce que pendant les deux premiers mois en cinéma, les studios de films, en fond, les compagnies qui font les films, prennent presque tout le profit des ventes de billets, ou même, ça dit, ils prennent tous les profits pendant les deux premiers mois. Mais je suis contente de savoir ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Okay. Parce que je me suis posé justement la question il n'y a pas si longtemps, comme pourquoi les films c'est si cher au cinéma, pourquoi le prix n'arrête pas d'augmenter, comme ils doivent rentabiliser ça assez vite là, au nombre de personnes qui vont voir, exemple, Twilight. Ouais, c'est ça. Mais les films coûtent tellement cher à faire. C'est ça. C'est incroyable, je veux dire, sérieux, ça coûte des millions et des millions à faire les films, fait que les billets peuvent bien être chers. Ouais. Mais là, comme ça, j'étais comme moins fâché contre les cinémas. C'est pas leur faute, et c'est pour ça qu'ils vendent le popcorn cher, donc pour faire leur profit qu'ils perdent à cause de la vente des billets pendant les deux premiers mois. Ça doit être plus aux États-Unis, parce qu'au Québec, les films sont là, genre, les films québécois sont là 2 semaines, genre, c'est fini. Ouais, c'est pas super long. Ça doit pas être la même chose, mais bon, donc voilà, pourquoi vos popcorns sont aussi chers. Et aussi, on nous rajoute un autre fait à propos des popcorns dans les cinémas, c'est que les combos dans les cinémas, vous font pas vraiment économiser d'argent. On nous dit que si tu calcules le prix d'un combo, pièce. À part, ouais, c'est ça, à la pièce, que ça s'équivaut pas mal. Donc, vous payez pas mal le même prix pour un combo. Sauf peut-être 50 cents. Peut-être, genre, mais c'est quelque chose de minuscule. Voilà. Et quand bon. Même. Vous connaissez l'humoriste et le comédien Robin Williams? Oui. Bien sûr. Pendant l'entrevue en 1994, bravo à Julie. Patch Adams, oui, oui. Madame Dunfire. Oui. Oui, bien sûr. Donc, pendant une entrevue en 1994 dans Inside the Actors Studio, une émission de télé, Williams a fait rire un membre du public tellement fort qu'il a fallu qu'on l'amène en ambulance. Mais non. Oui, parce qu'il s'est blessé, il y a eu une hernie à cause de Robin Williams. C'est drôle, ça. Il est drôle, mais je ne sais pas tant que ça non plus. C'est ça. Donc, Robin Williams, qui est né à Chicago, acteur et humoriste connu pour ses talents d'improvisateur. Donc, en entrevue, il est particulièrement intense. C'est difficile d'écouter une entrevue avec Robin Williams. Ça, ils sortent partout. Ah ouais? Ils sortent partout. C'est le fun. Mais il est le fun. Ouais, moi, je l'aime bien. Sa fille Zelda. C'est un fan de. Ouais, sa fille s'appelle Zelda. Okay. Le gars, c'est un fan de jeux vidéo. T'sais. Ah, mais c'est le fun à savoir. C'est très, très fun. Ils font des publicités d'ailleurs pour Nintendo. Donc, les acteurs, on parlait de. un sujet que t'aimes beaucoup, on parlait de Twilight tantôt, là. Hein? J'ai pas dit que j'aimais Twilight, là. Oh, oh, oh. J'ai on a une fan de Twilight ici, là. Non, non, c'était non, un exemple. Oh. Ouais, c'était un exemple. C'est fou que j'ai pensé, là. Je pense que je vais trop sur Nine Gag, puis. peut-être, hein. Arrête d'aller sur Internet en général. C'est ça. C'est ça. Donc, les acteurs de la saga Twilight, selon leur contrat, étaient obligés de rester loin du soleil pour rester pâles. Oui. Ouais. Peter Facinelli, un des acteurs dans le film, a dit à la presse qu'aussitôt qu'ils ont eu leur rôle, immédiatement, on leur a dit de ne plus sortir dehors. Plus pâles étaient les acteurs, plus c'était facile pour eux lors du maquillage de Twilight. Les contrats ont probablement plus de temps à créer que le script du film, nous dit-on dans le fait ici. C'est que le script du premier film a été écrit en 6 semaines à peine. Là, évidemment, c'est sûr que ça base sur un livre. Ouais, ça l'aide. 6 semaines, c'est quand même pour transcrire un livre puis en chopper les morceaux, c'est quand même possible. En 6 semaines, et Nikki Reed et Jackson Rathbone, qui sont deux des acteurs, ont appris à jouer au baseball avec leurs mains gauches pour la célèbre scène de baseball dans le film. Et Kristen Stewart a dû porter des verres de contact bruns pour jouer le rôle de Bella Swan. Hein, des beaux fêtes de Twilight pour notre public féminin. De 12 ans et moins. Ouais, c'est le fun. C'est super. Hein? Je suis là pour tout le monde, moi. Tout le monde. Sais-tu que une tête de cheveux, une chevelure, d'accord? C'est assez. Une tête de cheveux. Des cheveux, mettons. Un cuir chevelu. Ça me faisait penser au gars dans la famille Adams, c'est ça? Ouais. Tu sais, qui est comme plein de cheveux. Non, moi, je vais juste penser à personne plein de cheveux. Mais continue. OK. Personne reconnaît la chanson thème? Non. Avec la main, là? Non, il claquait des doigts dans la chanson. Okay, okay. Donc, le docteur Frédéric Leroy de l'Institut de recherche de la compagnie L'Oréal, d'accord, dit qu'une tête de cheveux, c'est assez fort pour soutenir le poids de 2 éléphants. D'accord, lui, il aime beaucoup les cheveux, ce gars-là, Frédéric Leroy. Donc, dans ses recherches, il a découvert qu'une seule mèche de cheveux peut soutenir environ 100 grammes ou 3 onces de poids. Par contre, la plupart des gens ont environ 150 000 mèches de cheveux sur leur tête. Donc, imaginez le poids que ça pourrait tenir, en théorie. OK, c'est ça que j'allais te poser comme question. Y as-tu vraiment essayé ça? J'espère que non, hein. Mais ça doit faire mal. Ça doit faire mal parce que c'est plus la force de ton corps et la douleur que ça va causer à ta tête. Les cheveux sont capables de le prendre. C'est toi qui seras capable de le prendre, je pense. Donc, on serait capable, en théorie, de supporter ou soutenir 12 tonnes, ce qui veut dire le poids de 2 éléphants. Livre par livre, le docteur dit que nos cheveux ne sont pas aussi solides que l'acier, mais plus que l'aluminium et le Kevlar. Bon. Eh bien. Les cheveux. Les cheveux. Ça s'arrache bien de la tête, mais essaye de le déchirer sans le couper. Peut-être. C'est dur. Ça marche pas. Je sais pas. Ouais. Une femme russe a donné naissance à 69 enfants dans les années 1700. Ça fait longtemps, là. 69 enfants. Commencé à quel âge, là? J'ai des 69. Non, c'est quoi? Tu veux partir des blagues là-dessus? 69. Hey, Mathieu, 69 enfants. OK, c'est bon. Est-ce que... Non. Pourquoi tu comprends pas là-dedans? 69, il est drôle. 69, hein? Dans les années 1700, il y avait une femme qui a donné naissance à 69 enfants. Elle a le record pour le plus d'enfants nés à une seule femme, évidemment. Au total, elle a eu 16... est-ce que je dis des pères? Mettons 16 pères, d'accord? De jumeaux? Ben, des jumeaux. Parce qu'à des jumeaux, ça veut dire que c'est une paire. Une paire. Déjà, ben, fait que tu peux pas dire des pères. Tu dis des jumeaux. Des jumeaux, OK. Donc, 16 jumeaux, parce que ça fait 8 paires de jumeaux. 16 fois 2, 32. 16 divisé en 2, 8. Puis j'étais meilleur en français qu'en maths. Ouais, on laisse faire. Donc, c'est ça. On recommence parce que non, c'est pas ça. C'est 16 paires de jumeaux. Donc, c'est 32, c'est ça, 32. T'as raison. Moi, je pensais 32. Que c'était 16 jumeaux en tout. Okay. Donc, 8 groupes. 7 ensemble, mettons, de triplés. Et 4 ensemble, un kit de quadruplés. Elle était productive. Assez. Sur les 69 enfants, 67 ont survécu passé l'enfance. Cette information-là circule depuis les années 1800 et il y a eu des doutes par rapport au nombre d'enfants. Oui, c'est ça. Quand même, là, faut le dire. Créditons nos sources. L'information a été présentée, par contre, au Guinness Book of World Records, qui a inclus cette femme-là dans leur livre des records. Donc, ils ont dû faire leur recherche et trouver les... Ça devrait être prouvé. Et voilà, exactement. Peut-être pas pour le chiffre exact, mettons, de 69 ou 67. Peut-être que c'est pas vrai qu'il y en a eu 2 de mort. T'sais. Mais c'est proche d'eux et c'est celle qui en a eu le plus. Non, aussi. Un petit fait rapide pour terminer, un blitz. Saviez-vous que Pamela Anderson Lee, ça c'est le nom de Pamela Anderson quand elle s'est mariée avec chose? Hein? Bon. Donc Pamela Anderson est le bébé centenaire du Canada. Saviez-vous ça? Oui, elle est reconnue, c'est le premier bébé à être né lors de l'anniversaire, le centenaire de la Confédération du Canada là, en tant que pays. Là, évidemment, l'année étant, la Confédération du Canada étant évidemment l'année... 1867? Quelque chose comme ça. C'est peut-être. Là, mes profs seraient pas contents. Tu sais, je sors d'un cours d'histoire là-dessus. C'est ça, parce que ce qui aurait été vraiment intéressant, ça aurait été d'aller, genre, juste simplement chercher la date de naissance de Pamela Anderson, hein? Ah oui. Ce qui aurait été, évidemment, l'année 1967, moins 100, ça fait 1867. Hey, je suis bonne! Bravo! Hey, mes profs vont être fiers de moi! Super. Il nous reste quelques petits faits encore en rafale. Votre pied a la même... prends ton pied. Ouais. La même longueur que l'avant-bras. Exactement, que l'avant-bras. Ah. Mais non seulement... comme tu disais, donc, le pied, c'est la même distance qu'entre ton poignet et ton coude. Mais tu peux aussi mettre ton pied... pardon, excuse-moi. C'est ce que ça dit deux fois, que votre pied et votre avant-bras, ben, Caroline, tu le savais. Hein? Bon, c'est intelligent, hein? Faut pas que t'en saches un. Non, oui. Non, t'es très intelligent. Est-ce que tu doutais de ça? Non. Ben, j'ai douté de ma réponse de 1867, mais... Le pied qui est aussi long que l'avant-bras, ça, j'étais sûr. C'est des choses utiles, ça. C'est ça. Bon. Environ le trois quarts de l'utilisation d'eau dans une maison moyenne, une maisonnée, genre une famille, une maison avec des gens dedans. Le trois quarts, oui. A lieu où? J'ai pas écouté la question. C'est pas grave. C'est dans la salle de bain. Ça veut dire que le trois quarts de l'eau utilisée par une maisonnée moyenne, c'est dans la salle de bain. La douche, la toilette. Exactement. C'est logique. Lavabo. Logique, quand même. Mm-hmm. Avant-bras. Oui. Bon. Seulement la moitié du cerveau du dauphin dort à la fois. Okay? Donc, il dort la moitié. Une moitié à la fois. Une moitié à la fois. Parce que l'autre moitié reste éveillée et force le dauphin à monter, chercher de l'air pour empêcher de se noyer. Ah, c'est le fun. C'est cute, hein? Ben oui. Je sais pas si l'avant-nageoire de dauphin est de la même longueur que son... Que son avant-bras. C'est ça. Bon. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça. Non. Ça finit bien, je trouve, cette chronique-là. Voilà pour la chronique « C'est un fait » pour aujourd'hui. Et que oui... Tac, tac, tac, tac. Personne ne connaît la chanson. Non. Moi, ça ne me dit rien du tout. Absolument rien. On va entendre du Bravo Funkin. Celle-là, vous allez la reconnaître parce que c'est une bonne chanson du palmarès francophone. Puis le palmarès francophone, tout le monde le connaît par cœur. Voici « Zombies » de Bravo Funkin au 89.1 FM. Cet assemblage requis pour encore une quinzaine de minutes. Ça manque de claquement de doigts dans le chanson, je trouve. Ok. C'est assez. We'll be right back. they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Ah! Ça va? Ça va. Ça va. Allez, Addams Family. Oui, ça va. J'imitais. Imitation. Bon. Donc, on vient d'entendre la chanson thème de Addams Family des années 60. L'original est la meilleure, évidemment. Bien sûr. Il est où le gars avec les cheveux longs là-dedans? Je le sais pas, il était pas là. Mais je vais trouver. Peut-être des personnages secondaires, hein? Peut-être des années plus récentes, je sais pas. C'est peut-être ça. Ou c'est peut-être où est Charlie aussi. Peut-être que tu le trouves. Peut-être. En fond, les gars. On s'en va entendre Malajube. Voici Radiologie. Et puis après ça, on revient et on se quitte. On se dit bye. Oui. Radiologie, je te dirais, Malajube, c'était le nom de la pièce. Ouais. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis en ce mercredi matin. Il nous reste seulement le jeudi à faire. Yeah, hey, après ça, dodo. Dodo le matin. Ah. Oui! Je pense pas penser qu'à sa fin de semaine. Moi, je pense à vous, auditeurs, qui avez hâte d'entendre notre édition d'Assemblage requis. Et demain, on aura Simon Fédier avec sa chronique Phénomène et François Landry avec Logocratie 101. Soyez à l'écoute pour ça. Restez sur nos ondes pour Espionne le gars qui s'en vient à 10h avec des sports, de la politique et des médias. Formidable. C'est une bonne émission. Hein? Oui, c'est bon. Les gars sont en communication. Oui. Ils vont faire les jeux de la com. Tout à fait. Ils vont faire l'épreuve de radio et ils vont la remporter. C'est sûr, c'est des gagnants nés, ces gars-là. Oh, on a des gagnants à l'UQTR. Ouais. C'est fun. On a plusieurs. Ça a l'air d'une pin contre les autres de l'UQTR qui gagnent jamais. Mais bon. Le Dîner de con suivra après ça à 11h. Et puis en après-midi, si vous avez raté Catalepsie ou La Spirale, ça repasse. À 16h, Kim Bergeron animera 6 degrés. Et en soirée, de la musique électronique avec Le Lobby et du trance avec PsyTR. Allez voir sur lecifou.ca pour la programmation et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui et pour les balados-diffusions. On se quitte avec une pièce du choix de François-Olivier. Milan Collin avec la pièce Black Eye, ça déménage ce matin. Tu le prononces pas Milan Collin? Milan Collin. J'adore ce groupe-là, c'est, je pense que c'est un de mes groupes favoris. Bon. Du monde entier. Collin. C'est tant mieux, ça? Ouais. Merci Anne-Julie. Merci Anne-Julie, oui, super sympathique. Ouais. Merci à vous. Merci à Jasmine Raymond Rêve. Oui, merci Jasmine. À demain. À demain. Rock on! Hein? C'est rock.